13h15 dans nos studios, 11h15 temps universel, bon après-midi et merci pour votre fidélité. Le journal français de cette 20e mi-journée de septembre 2021 au rendez-vous. À la présentation, vous recevez Willy Sindaïevoura. La mise en onde est assurée par Toussaint Biziman. D'abord, les grandes articulations de ce journal. Pour le député du parti Uprona, Gaston Sindimo, exclu de ce parti, les nouveaux dirigeants de ce parti de Ouagasori devraient prendre le devant pour rassembler les Wadasigana plus dans cette édition. Au moins 2 morts et 15 blessés et le bilan des dégâts humains suite à la grenade lancée hier soir dans un bar à la capitale politique Gitega. Vous entendez les détails dans cette édition. Et c'est lundi, comme à l'accoutumée, l'actualité sportive est au rendez-vous. Bienvenue. Bon après-midi encore, brève pour débuter cette édition. Les fêtes et les cérémonies à caractère social sont désormais organisées les samedis et les dimanches car leur multiplicité est un facteur de propagation de la Covid-19. C'est une mesure figurant dans une correspondance que le ministère de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique a dressée aux gouverneurs de toutes les provinces du Burundi et aux maires de la ville de Bujumbura. Dans cette correspondance, les gouverneurs et le maire de Bujumbura sont priés de sensibiliser la population à respecter les mesures barrières contre la Covid-19, de prendre chaque fois des mesures qui s'imposent et sanctionner ceux qui les outrepassent en collaboration avec les organes de santé. L'inspection générale de la police nationale est priée de donner main forte pour faire respecter scrupuleusement ces mesures. Sécurité. Direction Gitega, au moins 2 morts et 15 blessés et le bilan des dégâts humains donné par les sources sur place après qu'un malfaiteur non encore identifié a lancé une grenade hier entre 19h et 20h au bar situé au lieu communément appelé Masangandira. C'est dans la capitale politique du Burundi. Une autre grenade a été trouvée ce matin auprès du marché central de Gitega avant qu'il explose. Fiacre. Dikuman. Deux personnes sont mortes, dont Ndouimana Gilbert et Nibito Béatrice, respectivement époux et épousés de la commune et province Gitega, et plus de 15 personnes blessées suite à une grenade lancée par des personnes encore identifiées près du cabaret dit nommé Vimazoute Jules. Selon les sources des personnes environnantes confirmées par Humbugwa Désiré, chef de colline de Masanganzira, la sécurité est bonne dans ce quartier, mais le chef de colline, Humbugwa Désiré, signale qu'il accueille les passagers d'identifier les personnes et d'utiliser le cahier de ménage d'Arobi de garder la sécurité du quartier de Masanganzira. Et il sécurise la population de Masanganzira qu'il va organiser la réunion du comité mixte de sécurité de Masanganzira pour garder la sécurité. Une autre grenade a été lancée dans un cabaret Tabasazi, marché central de Gitega, mais on l'a trouvé non encore exposé. Le nommé Jacques de nationalité guandaise est déjà arrêté par la police de Gitega. Fiacre Ndikuman, RCF Bonesha FM. Merci à Fiacre Ndikuman pour la correspondance et de la capitale politique du Burundi vers la capitale économique Bujumbura. Toujours pour parler de la sécurité, des cas de vol, de pièces de rechange des véhicules et l'escroquerie à travers les transferts d'argent électronique se remarque dans la commune urbaine de Mukadza. C'est ce que fait savoir Guillaume Magogo, commissaire de police de la commune Mukadza, dans une réunion avec les administratifs de cette commune. Magogo a affirmé que celui qui sera attrapé en flagrant délit sera sévèrement puni conformément à la loi. Après une courte pause politique. Le député Gaston Sidimo, exclu du parti Iprona, même s'il confirme qu'il est toujours membre de ce parti, demande aux nouveaux dirigeants du parti de Ouagasori de prendre les devants pour rassembler tous les Wadasigana. Ce député, élu dans la circonscription de Bujumbura-Mairie, dénonce la violation de la loi au sein de ce parti affirme qu'il est disponible pour dialoguer afin que ce parti redore son image. Gaston Sindimo. D'abord, il nous a demandé de retourner parce que retourner où? Parce que je suis toujours Moudassigana. Est-ce qu'ils ont été conformes avec les statuts du parti prenant qui guidait le parti prenant à l'époque? Donc, nous, en tant que parlementaires et en tant que Moudassigana, nous prenons tout ce qu'il dit comme des prétextes parce qu'aujourd'hui, s'il est responsable du parti prenant, c'est lui qui devrait faire les pas. Quand il dit il faut que les gens reviennent, vous les avez chassés en dehors de la loi. Qu'est-ce que vous devez faire? C'est à vous de vous saisir pour pouvoir rassembler tout le monde. Est-ce qu'aujourd'hui, s'ils voient réellement comment le parti est maintenant, est-ce qu'ils ont l'espoir? Nous, ils ont bonne chance. C'est pourquoi nous ne faisons pas de bruit pour ça. S'il advenait qu'ils nous cherchent pour nous mettre ensemble, non, il n'y a pas de problème parce que comment renforcer le parti? C'est ça l'essentiel. Nous, ce que nous avons fait notre état et nous avons rassemblé ce que nous pouvons rassembler et nous sommes là et le parti existe. Nous disons bonne chance pour eux, pour que les choses avancent plus bien que nous. Sur quoi? Il faut ramener les gens pour se parler, redéfinir le système qui pouvait nous diriger. Nous l'avons fait, nous l'avons connu plusieurs fois et nous avons pris cette voie qui nous amène. Parce qu'aujourd'hui, ok, ils vont diriger le parti prenant, mais c'est le parti prenant de nous. Gaston Sindimour le dit après l'appel lancé par Olivier Nkurunziza, le président du parti UPRONA, auprès d'Ebadasigana, exclu de ce parti de se redresser et chercher les organes et dirigeants pour dialoguer. Environnement à présent, il s'observe encore des bouteilles en plastique sur les rives du lac Tanganyika au quartier Kibenga. Lac, nous sommes dans la zone Kinindo de la commune urbaine de Moha. Les personnes œuvrant dans cette localité disent que ces plastiques proviennent des différents caniveaux apportés par la pluie et demandent aux organes habilités d'intervenir pour la propriété du lac Tanganyika. Mireille Naomini Tegeka, portage. Sur les rives du lac Tanganyika au quartier Kiwenga, lac en zone Kinindo, où il y a eu des inondations l'année passée, exactement au La Costa Beach. Sur cette rive est remplie des déchets, des bouteilles en plastique et des herbes. Même les caniveaux qui se trouvent à côté sont remplis. Les personnes qui travaillent dans cette localité affirment que ces bouteilles en plastique sont apportées par les eaux de la pluie provenant dans des ménages. Quand il pleut, les déchets de ménage souvent sont jetés dans les caniveaux. Et ce sont des caniveaux qui se déversent dans les rivières. Ce dernier se déverse dans le lac Tanganyika. Et au retour, le lac est dispersé sur ses rives. Voilà pourquoi vous voyez ces bouteilles en plastique ici. Cet habitant dit ne pas être content pour ceux qui jettent les immondices n'importe où, surtout les bouteilles en plastique. Il indique également que ces derniers détruisent l'environnement et demande aux instances habilitées de tout faire pour que ces plastiques soient rassemblés pour être jetés dans des endroits qui leur sont destinés afin de rendre propre le lac. Ce qu'ils font croit qu'ils sont en train de faire la propriété dans le ménage, mais en réalité, les actions sont très dangereuses pour la société parce qu'ils polluent l'environnement. Je leur demanderai d'essayer d'être raisonnables et qu'ils amènent ces déchets dans des endroits aménagés pour cette fin. Aussi, je demanderai aux autorités habilitées d'aider pour que ces plastiques soient collectés afin que cet endroit soit propre et attrayant. La situation est ainsi même au bord du lac Tanganyika, près du port de Bujumbura, exactement à côté du Safi Beach. Le ministère de l'Environnement, l'Agriculture et l'Élevage avait pris la mesure de ne plus utiliser les sachets non biodégradables sur tous les territoires nationaux. Certains activistes dans le domaine de l'environnement proposent qu'il y ait la mesure pour bannir l'utilisation des bouteilles en plastique au Burundi. Actualité sportive, à présent, les équipes de football qui ont représenté le Burundi dans les compétitions africaines ont été disqualifiées dans les éliminatoires, que ce soit de la Ligue des Champions et de la Coupe de Confédération. Ces équipes ont été battues lors des matchs retour, alors qu'au match aller, elles avaient égalisé. Le championnat national Primus League a aussi repris sur les différents stades à travers le pays. Plus de détails avec Alenium Chamans. Ces équipes sont Messager Ngozi, qui a représenté le Burundi dans la Ligue des champions africaine. Messager Ngozi a été disqualifié après la défaite de 2-1 lors du match retour contre US Gendarmerie du Niger, alors qu'à l'aller, ces deux équipes avaient fait un match nul d'un but partout. L'autre équipe est Bumamuru, qui s'est aussi inclinée d'un but à zéro face au Diable Noir du Congo-Brazzaville. Suite à cette défaite, ce club burundais n'a également pas eu la chance de poursuivre son aventure dans la Coupe des Confédérations. Cependant, sur différents terrains à travers le pays, le championnat national Primus League a repris au cours de la semaine écoulée. Au stade égatoire de Kayanza, c'était un derby entre Top Junior et Kayanza United. Les deux équipes se sont séparées par un score de 3-1. Aigle Noir a battu Musongati FC de Gitega 2-1, même score entre Rukinzo et Flambeau d'Oreste, avec l'avantage du Flambeau d'Oreste. Au stade Inouar Bujumbura City a battu 2-1 Flambeau du Centre. C'est au moment où Royal FC de Mouhandia s'est imposé face à Vitaro FC 1-0. Au classement provisoire, comptable la quatrième journée du championnat, quatre équipes occupent la première position, se diffèrent par le nombre de buts inscrits. Rukinzo, Top Junior et les Crocos occupent les trois dernières positions du classement. À l'étranger, en Angleterre, Liverpool, Chelsea et Manchester United sont à la tête du classement avec 13 points chacune, mais à la différence des buts inscrits, c'est au moment où en Espagne, le Real de Madrid occupe la première position du classement, vient ensuite Atlético Madrid et en troisième position vient l'FC Valence. Le Bayern se classe à la première position à Bundesliga en Allemagne. Wolfsburg vient en deuxième position. La Serie A en Italie est dominée par l'Inter de Milan, suivi du Milan AC, alors que le Paris Saint-Germain en France vient à la première position du classement. Actualité internationale. À l'international, en Russie, après 3 jours de vote, les premières estimations des élections législatives sont tombées ce dimanche soir. Le vote qui visait à renouveler les 450 mandats de députés de la Douma, la chambre basse du Parlement de ce pays. Ce matin, un haut responsable de la Russie unie a estimé que sa formation a remporté au moins 315 mandats. Cela étant, à l'est de la Russie, au moins 8 personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées ce matin par un homme qui a ouvert le feu dans l'enceinte de l'université Perme. 13h28, nous voilà dans les dernières lignes de cette édition de la mi-journée. Mais avant que nous nous quittions, le rapide rappel des grands titres. Pour le député Gaston Sindimo, exclu du parti Uprona, les dirigeants de ce parti de Guagasore devraient prendre les devants pour rassembler les Wadasigana. Vous avez entendu Gaston Sindimo à ce propos. Et à Gitega, la capitale politique du Burundi, au moins 2 morts et 15 blessés, c'est le bilan des dégâts humains suite à la grenade lancée hier soir dans un bar situé au lieu communément appelé Masangandira. Et actualité sportive, disqualification de toutes les équipes de football burundaises ayant représenté le Burundi dans les compétitions africaines, que ce soit dans la Ligue des Champions et dans la Coupe de la Confédération, mais aussi début des tournois dans le championnat national Primus League dans différents stades à travers le pays. Nous voilà à destination de ce journal. Merci pour votre fidélité. Merci à toute la rédaction de la RSF Bonesha FM et à Toussaint Bizimana qui était de l'autre côté vitré. Le journal vous a été présenté par Willy Sindayebula. Excellent après-midi et bonne suite de programme.